Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Du 6 au 8 septembre, les musiques alternatives prennent d'assaut la vieille capitale, le temps du festival Envoler Macadam. C'est fini, c'est la dèche, c'est la banqueroute et la ruine. Rock, punk, indie, électro, hip-hop et plus feront vibrer l'île aux Fleuries et plusieurs salles du centre-ville. Parkway Drive, Bernard Adamus, Les Ghouls, Get the Shot, Boundaries, The Carringtons. Découvre la programmation et prépare ton festival au envolemacadam.com. What you looking at, son? Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita. Michel et Bruno ce soir jusqu'à minuit. Plein de bonne musique et plein de nouvelles. On a plein de choses donc. Je vous dirais, là, écoutez, la première pièce ce soir, c'est une primeur. On a un extrait du prochain disque de Glasshammer, Chronomonaute, qui est en quelque sorte la suite de Chronométrie. Je pense que certains vieux tripeux de Glasshammer vont se rappeler de ce disque-là. C'est le même personnage qui revient, mais X années plus tard, il est avec d'avoir 50 ans. Ça me rappelle un peu l'idée là, que Ian Anderson a eue pour Take As A Break, de ramener un personnage pour voir où est-ce qu'il était rendu. C'est un peu ce que Steve Babb et Fred Shandall ont fait là, pour Chronomonaute, qui devrait être lancé, le 12 octobre pour être exact. Et puis, mon Dieu, parmi les nouvelles, les billets pour Unreal City sont en vente. C'est Cartius qui va être compagnon de route pour cette soirée. Unreal City va nous présenter aussi des nouveaux membres ce soir-là, le 22 octobre au Centre d'art de la Chapelle, présentation Terra Incognita. Donc, Unreal City, c'est en vente. On a annoncé aussi Basta pour le festival Terra Incognita là, en mai prochain. Je pense que ça fait plaisir à certains amateurs de prog italien. Moi, en tout cas, j'adore leur disque Basta, donc qui est confirmé. Et on devrait vous confirmer quelque chose dans pas grand temps. Mais en attendant, on va écouter ce fameux extrait de Glasshammer, Chronomonaute. Oh, petite erreur, on va venir parce que là, Dans la confusion de mon arrivée, on n'a comme pas ajusté le disque, donc c'est pas cette pièce-là. Écoutez, je pense que je vais en profiter pour vous parler de ce qu'on va confirmer tantôt, parce qu'on va en écouter deux pièces, et c'est nul autre que Infernal de Fido. On va écouter deux pièces, et puis je pense que ça va faire plaisir à bien des gens. Pas mal de gens même, que je disais, parce que le dernier disque est vraiment excellent. Et puis, écoutez, je pense que ça va être un des clous de la soirée. Je vais vous laisser. Je vais aller donner un petit coup de main à Bruno. Ça sera pas long. Donc, witness to reprieve. Once forsaken, now in league. And I'm here to guarantee there's nothing else you need but me. Me. All the dreaming people

how it got this far. You couldn't find a way. You couldn't know you were falling long before you received the blow. You couldn't see anyone, least of all me. So you threatened war, so go ahead and send it. So you threatened war, so go ahead and send it. Ooh. We'll be right back. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. On va jeter un petit coup d'œil en arrière. Il y avait, tout juste avant la pause publicitaire, il y avait Pineapple Thief de leur tout chaud, tout récent Dissolution. On a eu deux pièces de Fido. Ça aussi, un disque récent, Infernal, dans les deux cas. Et puis, écoutez, je confirme que Fido sera de la 15e édition du Festival Terra Incognita en mai prochain. C'est assuré. D'ailleurs, Fido attendait avec impatience que ça soit annoncé. Ça fait un mois et demi que c'est réglé pour nous, mais on ne pouvait pas commencer à annoncer trop tôt non plus. Donc là, c'est confirmé. Donc c'est le deuxième groupe. Il y a Basta et maintenant Fido. D'autres à suivre cette semaine. Et on avait donné le coup d'envoi avec un premier extrait du nouveau Glasshammer, Chronomonote, qui est un peu la suite de... Ben, pas un peu, c'est la suite de Chronométrie. J'ai eu quelques détails sur le disque, et donc un qui m'a surpris, c'est que Matthew Parmenter de Discipline figure parmi les chanteurs invités sur ce disque, tout comme d'ailleurs le guitariste de Discipline. Et il y a quatre guitaristes finalement. Donc j'ai l'impression que celui qui tenait le phare depuis un bout n'est plus là, puisqu'il y a quatre guitaristes invités. Donc le disque sort le 12 octobre. Je suis curieux, là, en tout cas, c'est un premier extrait. C'est à peu près tout ce que j'ai réussi à soutirer. C'est-à-dire qu'on va se contenter de ça pour le moment. On va sûrement vous revenir avec d'autres pièces de cet album. Et on parlait tantôt du Festival Terra et de Basta. Ben, on va entamer la deuxième, avec ce jeune groupe italien qui s'amuse à brasser des cartes d'une façon assez iconoclaste. C'est de leur second album Elemento Antropico. Donc on y va avec Basta. We'll be right back.

Oh, We'll be right back. CKRL 89.1. Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. Et de retour... tout juste avant, on a écouté un extrait d'une pièce de là, j'essaie toujours de le prononcer comme il faut, George Shaw, le groupe norvégien. Donc, c'est un double album qui est paru récemment, mais en fait, c'est un peu comme une compilation de tout ce qui a été enregistré avant le premier album qu'on a pu découvrir, le George. Je pense que ça a été fait quelques années avant, puis même, il y a certaines pièces qui sont seulement parues sur cassette. Donc, ça, il n'y a pas une grosse circulation de ce matériel-là. Donc, le groupe norvégien George Shaw. Tout juste avant, on avait Unreal City de leur tout premier disque, La Croix Delta di Aprile. Unreal City, qui, je vous le rappelle, sera à Québec le 22 octobre au Centre d'art La Chapelle, une présentation Terrain Incognita avec Carcius. Donc, je pense que ça va être une pas mal belle soirée. Unreal City et Carcius. Avant, on avait aussi, ça nous vient d'Allemagne, c'est nouveau. Ali de Fiddle, c'est une violoniste qui a, je pense qu'elle voue sûrement une admiration pour Jerry Goodman, parce qu'on reconnaît un peu le jeu de Goodman. Violoniste allemande, je pense que sur son premier essai, Hop! Et quelques invités, ça attire la curiosité. Donc, Marco Minman, le batteur, qui vient jouer sur une pièce, entre autres. Et puis, il y a pas mal de monde sur ce disque-là. Et c'est paru sur l'étiquette de RPVL, Gentle Art of Music. Donc, c'est des gens qui ont du goût d'habitude. Et en parlant de RPVL, d'ailleurs, quelques nouvelles. Ils sont présentement en studio et ils espèrent... conclure le disque cet automne pour lancement au printemps prochain, puis une tournée européenne qui s'en vient. Est-ce qu'ils vont faire autre chose après? On verra. Donc, et on a donné le coup d'envoi avec Basta, formation italienne, jeune formation italienne qu'on aura le plaisir de voir à l'œuvre. Je ne pourrais pas vous dire encore la date exacte, là. C'est soit le 18 ou le 19 mai au Centre d'art dans le cadre du Festival Terra. On aura plus de précisions dans les semaines à venir. Et on va, en parlant d'italien, on va aller faire encore un petit tour du côté de l'Italie, cette fois-ci avec Tacita Intesa, de leur album Tacita Intesa. We'll be right back.

Thank you. 89.1. Premier acte en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et les productions Le Temps qui s'arrête présente Justin. Mes chers amis, c'est une nouvelle page de notre story qui se tourne tonight. Une ère of change remplie de défis qui frappent à notre door. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for each et chacun de nous. Justin, un conte politico-fantastique de et avec Lucien Ratio. Mise en scène de Jocelyn Pelletier et musique de Millimétrique. Justin, du 11 au 22 septembre à Premier Acte. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Bon. Qu'est-ce qui a joué? Donc, il y avait en tout dernier lieu Melody, groupe finlandais de l'album Toinoi Toista. On avait aussi de Norvège Kiss Kiss King Kong. Bruno ne me croit pas, mais c'est, je l'ai dit en nom, donc c'est vrai, Bruno, il faut que tu me crois. Là. Kiss Kiss King Kong de l'album Too High to Say Hello. On avait aussi d'Italie Oak, O.A.K, Oscillazione Alchimico Creative de l'album Giordano Bruno. Et on avait donné le coup d'envoi avec une autre formation italienne, Tacita Intesa de l'album éponyme. Dernière demi-heure ensemble, petite nouveauté qui nous arrive d'Allemagne, mais en fait, c'est un musicien américain qui s'est installé en Allemagne. Et peut-être que certains vont se rappeler de son groupe Simeon Soul, qui est apparu, le dernier disque est paru il y a peut-être 3-4 ans. C'est un premier disque solo pour Aaron Brooks, assez difficile à définir comme... Je pense que le label parle de art rock dans le cas de Aaron Brooks. C'est de l'album Homunculus. Donc, on y va avec la première pièce, un premier extrait. Je pense que je vais en mettre une autre dans les semaines à venir. Donc, on y va. Dernière demi-heure, Michel et Bruno, Terrain Incognita, CKRL 89.1. All the tiny fingers of the Chinese children make my clothes that I wear. I don't break the bank to be the height of fashion, 'cause I don't know or I don't care. So if I do not know, I can see them cry, I can hear them moan. If they catch my eye, I'll turn off my phone. Everybody dies, everybody knows. Advertisers cater to my primal urges. I see sex, I see fear. Filling all the empty holes where my mind stirring throws a wrench in my gears. And I remain perpetually insecure, but I fit in with my peers. We're all on our phones, transfixed alone together, but my texts are sincere. So multitude of small distractions keeps my mind occupied. Everywhere I go, a wall of tall attractions fix my gaze to the sky. If I were alone with just my thoughts incoming, I would be terrified. I am just a victim of the modern age, so I'm okay, I'm alright. So show. I'll shut up my mind, I'll refuse to go. I can shut my eyes, I can blow my nose. Everybody dies, everybody knows. So, do you like the show? I'll shut up my mind, I'll refuse to go. I can crucifix upon a wooden chair. He gave his life, he made his bed. There is a light that still shines deep within his chest that will never be seen again. Guardando c'è Ça nous vient d'Italie, Trama, le groupe. En fait, c'est le premier groupe de Luca Scarani, le bras droit de Fabio Suventi. Et un retour après, mon Dieu, plus d'une décennie avec Oscur e Movens. Et avant, on avait Carsius de l'album de Fold. Je vous rappelle que Carsius va être au Centre d'art La Chapelle le 22 octobre avec Unreal City. On avait aussi Basta de l'album Elemento Antropico et le coup d'envoi donné par Aaron Brooks, chanson assez étrange que Bruno a bien appréciée de son premier disque. C'était l'ancien chanteur de Simon Soul. C'est déjà le temps de vous dire bonsoir. Je vous invite à visiter notre page Facebook et notre site Internet et revenez-nous la semaine prochaine. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Vous écoutez CKRL 89.1. Tout savoir sur les remparts, le Rouge et Or, les capitales, le sport scolaire et professionnel. Première Loge Sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard en compagnie de Marie-Pierre Gosselin et de nos différents chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30. Première Loge Sport. Qu'est-ce qui se passe au cœur à lire, Léa? Écoute, c'est toujours possible de s'inscrire pour la Tablée des chefs et Ricardo Média pour les adultes et leurs enfants de 6 à 12 ans. D'accord, j'appelle tout de suite. Imagine, tout le monde est invité à la marche pour l'alphabétisation le 8 septembre prochain. Tout est sur le site du cœur à lire. Je participe, c'est sûr. En partenariat avec la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg. Le cœur à lire, 418 841 1042. En septembre, voyez au cinéma Le Clap, Drôle de père dès le 7, The Children Act et Première année dès le 14, La disparition des Lucioles dès le 21, Les abominables petits pieds dès le 28. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Les Geeks contre-attaquent, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes rebelles anthropomorphiques à bord de leur vaisseau spatial qui affrontent les forces démoniaques d'un singe cyborg. Non, c'est pas ça. Les Geeks contre-attaquent, c'est une bande de jeunes pré-ados qui, l'espace d'un hiver, découvrent le sens de l'honneur et l'amour des chiens. Les Geeks contre-attaquent, c'est un magazine techno et ludique qui se prend à peu près autant au sérieux qu'un cheveu dans un jus de quille. C'est les samedis, c'est de 13h à 14h30 et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Puis c'est pas pantoute la même pub que v'là 2 ans. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de...